C'est ça, au lieu d'une vérité qui divise, que c'est montré de même les anciennes façons de voir, là, ça va être un mensonge qui unifie toutes. Ben, c'est Puis ça ça. s'en va vers ce qu'on a peut-être appelé dans ce qui est écrit dans l'Apocalypse, l'apostasie généralisée. Dans le sens que c'est une apostasie, c'est-à-dire une négation, mais généralisée. C'est-à-dire que finalement, il n'y aura plus de nation, on va tout être unis dans de la dissolution puis du vide identitaire. Puis Tout va être finalement, comblé par l'identité numérique parce que la nature a horreur du vide. Fait que ouais. chaque citoyen sur Terre va sans doute avoir son identité numérique puis son crédit social. C'est sûr que ça ne correspond pas aux besoins de l'âme humaine, ça. Ça va juste, ça peut juste avoir une fonction liée au contrôle. Fait que Social. ça revient à vendre son âme. Parce que ce qui se cache derrière l'humanisme, c'est le contrôle. Moi, je Ouais. le vois comme ça. Ben oui. Juste le numéro d'assurance sociale, ça revient à. Tu sais, dans le temps, il disait, ben, pour vendre ton âme, il fallait que tu signes. Ben, c'est disaster. Tu vas carrément signer avec ton ADN, puis ton empreinte digitale, puis c'est ça, signer avec ton sang. Fait que là, dans le fond, toutes les vieilles affaires d'antan qui passaient pour des lubies, ça devient de plus en plus concret, mais ça prend pas les formes qu'on pensait. Mais il reste qu'il semblerait que les intuitions passées étaient vraies. À moins qu'on l'interprète de même subjectivement, je ne sais pas. Mais il reste que, moi, à mes yeux, là, de mettre mon ADN dans une banque de données, puis que mon identité va être liée à ça revient à signer de quoi avec mon sang à une grosse bébite qui va être une espèce de contrôle total. Fait que je vois pas est où la différence entre ça puis vendre son âme. Pour l'éternité, là, je veux dire, Ben cette oui. affaire-là va me survivre. C'est ça, tes données personnelles qui sont entreposées dans, mettons, un ordinateur avec du big data. Tu sais, c'est un petit peu comme les archives du plan astral qui survivent à l'incarnation de l'âme. C'est un peu le même principe. Oui. Puis en plus, c'est même pas fiable, ça se déforme. Ce qui est archivé, se déforme. Ben oui. En tout cas. Ben oui, fait que là, ils vont pouvoir jouer avec la mémoire collective pour enligner l'énergie selon ce qu'ils veulent dans le présent puis le futur. C'est extrêmement dangereux. Dans le fond, c'était de la dissolution totale, puis là, on entre dans le monde de la magie, là. Tu sais, Solvay Coagula, puis tout est. Tout peut être reviré de bord, puis la lune puis le soleil s'équivalent, puis tout s'équivaut, puis gauche-droite, tu peux revirer la carte de bord, puis on est en train d'entrer dans un monde c'est de la magie noire, moi je vois, parce que dans le sens que c'est de la domination puis du contrôle. En tout cas, il semblerait que c'est drôle, là, parce que c'est comme un vieux vocabulaire, mais il reste que c'est de plus en plus ça, là.